Les trois poèmes suivants sont extraits des « Voix intérieures » que Victor Hugo publia en 1837. À Albert Dürer. Albert Dürer était un peintre, graveur, sculpteur et architecte allemand du XVe siècle. Une forêt pour toi, c'est un monde hideux. Le songe et le réel s'y mêlent tous les deux. Là, se penchent rêveurs, les vieux pins, les grands ormes, dont les rameaux tordus font cent coudes difformes. Et dans ce groupe sombre agité par le vent, rien n'est tout à fait mort, ni tout à fait vivant. Le cresson boit, l'eau court, les frênes sur les pentes, sous la broussaille horrible et les ronces grimpantes, contractent lentement leurs pieds noueux et noirs. Les fleurs, au cou de cygne, ont les lacs pour miroir. Et sur vous qui passez et l'avez réveillé, maintes chimères étranges, à la gorge écaillée, d'un arbre entre ses doigts, serrant les larges nœuds, du fond d'un antre obscur, fixe un œil lumineux. Ô végétation, esprit, matière, force, couverte de peau rude ou de vivante écorce. Au bois, ainsi que toi, je n'ai jamais erré, maître, sans qu'en mon cœur l'horreur n'ait pénétré, sans voir tressaillir l'herbe, et par le vent bercé, pendre à tous les rameaux de confuses pensées. Dieu seul, ce grand témoin des faits mystérieux, Dieu seul le sait, souvent, en de sauvages lieux, j'ai senti, moi qu'échauffe une secrète flamme, comme moi, palpiter, et vivre avec une âme, et rire, et se parler dans l'ombre à demi-voix, les chênes monstrueux qui remplissent les bois.